mail ou le serveur. Et monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect. Moi, je prendrais bien une pastis. Faisons le flamme, vas-y, enquille, enquille le pastis. Le soleil ne faille qu'un tas, tout efface gaga. Esprit de surcroît, taxi le passe la gamme. Pour rendre compte à l'État, on n'est plus maître de soi. On va taxer les taxes et le maire. Pour tous les jours de liberté, tous les jours de soleil. Je prends pas le temps de me prendre la tête, la tête. Sentiment de la mi. Devant le foule, une fois par jour, il faut se prendre la tête. Et tu sais très bien, il est pas ce plus dans le misère. Papa, papa, pastaga, oui. Papa, papa, pastaga, oui. Papa, papa, pastaga, oui. Papa, papa, pastaga. Prends donc un pastaga, c'est bon, puisque t'as un pastaga. Vamos à la playa. Avec les guitares, au son des derboucas, Marcus et ma foi, au fond des bordilles. Enquille le pastis, le soleil me faille canta, et tout me fasse caca. Je suis au solaire, ou tranquille au pastaga, me casse pas les oreilles, en faisant le phare, vas-y. Enquille, enquille le pastis, le soleil me faille canta, et tout me fasse caca. Le sentiment de la mi-polaire. Qui m'a dit l'autre jour, nous prendre le fou. Une fois par jour, il faut se prendre la tête. La j'ai tête, ça vient l'hiver. L'hiver, il bosse plutôt le diesel. Papa, papa, papa, staga, oui. Papa, papa, papa, staga, oui. Papa, papa, papa, staga, oui. Papa, papa, papa, staga. Prends donc un pastaga, c'est bon parce que t'as un pastaga. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa